Nous sommes le mardi 10 janvier 2023. Vous écoutez On a juste une vie, épisode 354. Je suis Narf. Je suis Blob. Il manque un « et ». Ça aurait pris « et je suis Blob », mais c'est pas grave. Ben oui, Anne-Marie... Et Anne-Marie est pas là. Anne-Marie est pas là, c'est ça. Anne-Marie est en vacances. Au pays de Donald Trump avec les animaux. Ouais. J'imagine qu'elle passe plus de temps avec les animaux qu'avec Donald Trump. Ben, en tout cas, on lui souhaite. On lui souhaite. Fait que là, l'affaire, c'est qu'on devait pas faire de podcast à soir. Mais on a trop d'énergie. Apparemment. Parce que là, c'est ça. Anne-Marie est pas là. Fait que là, normalement, on attendait qu'Anne-Marie revienne. Puis là... C'est le premier podcast de janvier, ça aurait été le podcast de la rétrospective, la revue de l'année, nos jeux de l'année, nos prédictions. Mais là, on fait pas ça, parce que là, on était comme genre, ouais, mais on a plein de jeux qu'on a joué à Noël, qu'on aimerait ça parler. Fait que là, on a décidé de faire un podcast, pas de Anne-Marie. Puis là, la semaine prochaine or something, on fera la vraie... revue de l'année. C'est juste notre revue de vacances. Ouais, c'est notre revue de vacances. Comment ont été tes vacances, Blob? Mes vacances ont été assez bien. C'est bizarre parce que le temps des fêtes, c'est tout le temps un peu stressant puis fatigant. Puis le soir, avant de recommencer à travailler, j'étais comme, coudon, est-ce que je me suis reposé? Finalement, le lendemain matin, j'étais comme assez content puis assez... rafraîchi, j'imagine. C'est un peu étrange. J'ai peut-être juste comme changé de sorte de fatigue, puis ça s'est équilibré. Je sais pas, quand on travaille, on développe des fatigues différentes de quand on fête. Ouais, hein? Mais tant mieux si t'es vacances. Ça fait du bien. Mais tant mieux, tant mieux. Moi aussi, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu cette année, mais c'était des vacances... C'est pas stressante. Tu sais, d'habitude, Noël, c'est stressant, comme tu dis, les parties, tout ça. Il y a des trucs un peu poche, mais là, c'était comme, c'était chill. Puis je sais pas si c'est parce que, genre, tout le monde est en mode, hey, c'est le fun, on fait des parties, alors qu'avant, il y avait la COVID, puis ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Y a-tu un peu de ça? Ou ben, y a un peu de moi qui a travaillé sur moi puis qui gère mieux mon stress puis mon anxiété, sûrement un peu des deux. Fait que ouais, c'était assez chill et après ça j'ai passé le reste de la semaine chez ma mère puis on a joué à des jeux vidéo et à des jeux de société. Puis là, si je comprends bien, toi aussi. Ouais, ça ressemble à ça. J'ai fait ça mais chez nous un peu. Moi, et on est aussi allé à un petit meet-up d'amis où on s'est vu puis on a joué à d'autres choses. Oui. Ben, en fait, je pourrais commencer avec un qui était vraiment mon highlight, qui est le jeu qu'on a le plus joué, qui s'appelle Unrailed. Ça, c'était un jeu gratuit sur le Epic Store, v'là. Ouais. Okay. Quelques semaines/mois. Pis on était pas trop sûr. On était comme oh, on va l'essayer juste pour le fun. En fait, mon frère et ma soeur l'avaient déjà essayé avec ma mère, pis là moi quand je suis arrivé, il était déjà tout en train de jouer à ça, pis j'étais comme ben là, je veux jouer moi aussi. Ça a un petit peu la petite saveur overcook un peu. Ouais, ok, je vois le genre. Dans le sens que c'est genre c'est jeu co-op. Assez facile à prendre en main pour les débutants. Puis l'idée, c'est que c'est un train, Unrailed. Fait que c'est un train ouais, qui avance sur okay, des rails. J'avais bien deviné. Puis nous, ce qu'on fait, c'est construire les rails devant le train le plus vite possible parce que le train, il est en train d'avancer. Fait que c'est comme ouais. on construit les rails pendant que le train avance. Excellent plan. Et on construit ça en ramassant de la roche, en creusant des tunnels, en coupant des arbres pour ramasser du bois. On met ça dans les wagons de train, parce que les wagons de train, c'est l'usine qui produit les rails pour mettre devant le train. C'est... Ça ressemble à un travail standard à l'ère du capitalisme. J'avoue que là, t'es en train de décrire un peu mon ancien projet, mais j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Bonjour, poté moche. C'est vraiment drôle comme nom. Tu as le catch mort. Fait que, ouais, c'est... La comparaison avec Overcooked est vraiment bonne, dans le sens que, tu sais, faut coopérer, faut chacun a des rôles, puis là, tu sais, il y a des complexités des fois à mener, c'est genre, ok, là, on va par où est-ce qu'on fait passer le train, ok, on va être pogné, fait que là, va falloir que vous ramassiez le bois, parce que nous, on va être pogné, on pourra pas passer, parce que le train passe dans le seul trou, puis à moins qu'on creuse un détour, puis parce qu'il y a des roches, puis des affaires que tu peux pas creuser. Puis fait que ça oblige à avoir la communication comme dans Overcook. Puis le principe est quand même un peu différent. T'sais, dans Overcook, c'est comme des petits levels, puis t'essayes de juste finir le level, puis après ça, si t'es bon, t'essayes de le finir avec 3 étoiles ou 4. Là, c'est plus, c'est pas des levels, c'est plus comme, ben d'un, le jeu il est procédural. Il est généré procéduralement. Ok. Avec... C'est un Spelunky like. Non. C'est un je sais pas quoi. Mais c'est ça. C'est comme la map est générée aléatoirement, puis là, ben, le train y avance. Puis l'idée, c'est le mode régulier, c'est genre t'essayes de jouer le plus longtemps possible avant que le train y pète. Parce qu'évidemment, le train il se met à accélérer tout le temps, puis là, à un moment donné, il finit par dérailler. Où il y a un problème de communication, puis là, quelqu'un fout des rails tout croche, puis là, on n'a pas le temps de l'arranger, puis là, le train, il fond, il part. Fait que le mode régulier, c'est ça, c'est d'essayer de se rendre le plus loin possible. Il y a des modes où est-ce que c'est genre finir un tableau le plus vite possible, mais nous, ce qu'on a le plus joué, c'est le mode régulier. Parce que, ah ouais, parce que le mode régulier, quand tu meurs, tu recommences du début. Bon, c'est pas grave, les tableaux sont générés aléatoirement, mais on trouvait ça un peu poche quand même de recommencer du début, parce que, tu sais, au début, le train, il va pas très vite. Puis là, on voulait comme se rendre au bout. Parce qu'il y a des changements d'environnement. Quand t'atteins une certaine gare, quand tu progresses assez, tu peux upgrader ta locomotive, puis là, ta locomotive t'amène dans un nouveau biome. Puis là, okay. Puis là, t'avances. Puis là, le but, c'est donc de te rendre à la fin. Mais nous, ce qu'on a activé, c'est qu'il y a une option que tu peux activer qui est que le jeu va sauvegarder ta progression quand tu changes de biome. Fait que quand tu meurs, tu recommences au début du biome, mais au moins, tu sais, tu peux recommencer au lieu de recommencer du début. Ouais. Puis ça, on a pas mal fait ça. Tout le long, puis on s'est presque rendu à la fin. Il y a un peu comme une twist à la Sonic 1 quand tu finis le jeu. Ok. Tu sais, Sonic 1, là, le jeu, tu sais, tu finis le jeu. Ouais. Puis là, t'as les credits, puis tout. Puis là, t'as Dr. Robotnik qui est comme genre, ah ah ah, tu n'as pas eu toutes les émeraudes. Recommence. Puis là, fait que là, tu te rends compte qu'il faut que tu repasses le jeu, puis que tu fasses tous les tableaux bonus, et que tu pognes toutes les émeraudes, et que tu te rendes à la fin. Ben, c'est un peu ça. Il y a comme des objets cachés dans les levels. La plupart, c'est des objets comme pour upgrader le train. Comme des... de l'argent, on va dire. C'est des vis. Puis, sauf que il y en a que c'est des objets. Puis là, quand t'arrives à la fin du dernier biome, tu vois que pour acheter la locomotive suivante, et donc pour accéder au dernier biome, ça te prend les six objets secrets qui étaient cachés dans le level. Puis là, ben c'est genre, bonne chance, essaye d'y retrouver. Mais ça aussi, c'est comme Spelunky, parce que si tu trouves la chaîne d'objets dans Spelunky, tu peux aller visiter la cité d'or. C'est comme quand tu arrives dans les derniers tableaux, là, tu as une porte que tu peux pas ouvrir, à moins que tu avais trouvé un objet spécifique dans chacun des autres mondes avant. Ouais. Ah, pour vrai? Je savais même pas. Ouais, la chaîne, c'est de trouver le. Ouais. C'est trouver comme le chapeau. Attends un peu. C'est l'œil. Ouais. Tu trouves l'œil. L'œil t'aide à trouver la porte magique pour le marché noir. Dans le marché noir, ils vendent le Ankh. Puis le Ankh, ça va te ressusciter si tu meurs. Fait que le but, c'est que tu ailles mourir dans l'autre tableau d'après. Parce qu'à ce moment-là, quand il pop, il va aller s'incruster dans une statue avec, je pense, une porte spéciale qui va te donner un chapeau. Puis si tu arrives avec le chapeau dans le dernier monde, puis que tu réussis à prendre le sceptre d'un certain ennemi avec le chapeau puis le sceptre, tu peux ouvrir la porte des cités d'or. Puis c'est pas mal compliqué puis difficile, puis on a essayé plein de fois, puis on l'a jamais réussi, mais on est passé proche souvent. Je veux dire, Spelunky, on s'entend que je veux dire. Je suis même pas capable de finir le jeu, fait comme je même pas, je me rends Ouais. au deuxième biome, puis là je meurs. Puis voilà, c'était mon expérience de Spelunky. Fait que ouais, de là, c'est comme si j'étais même pas capable de finir le jeu de Sonic pour pouvoir peut-être espérer avoir toutes les émeraudes. C'est quand même Mais particulier que dans Sonic, pour avoir toutes les émeraudes, faut que tu sois bon au minigame. Faut pas que tu sois bon au jeu. Faut juste que tu sois bon au minigame. Ben, et que tu finisses le jeu, I guess, là. je Enfin. regarde, on a beaucoup de discussions sur le chat, mais là, c'est parce qu'on passait notre sujet. En gros, pour ceux qui posent des questions, qui demandent c'est quoi le but exactement, c'est qu'on parle de nos jeux de vacances. Je pense qu'il y a des gens qui sont nouveaux. Puis il y a d'ailleurs quelqu'un qui s'appelle Lis ton chat YouTube. Qu'on lise notre chat YouTube. Ah, parfait. On va ainsi ne pas lire notre chat YouTube. Moi, je ne l'ai pas ouvert devant moi, fait que je ne le sais même pas. Fait Ouais, je que. pense que je pense qu'il y a des messages inappropriés de toute façon. Il va Non. falloir On fera le ne ménage le plus pas lire. tard. Fait que. Ouais, ça c'était Unrailed. J'essaie de revoir mes notes. Qu'est-ce que j'avais écrit? Ah oui! Comme. Il y a quand même des limitations à Unreal. Tu sais, j'ai comparé avec Overcooked. Tu sais, Overcooked, c'est comme un chef-d'œuvre, dans la. Comme jeu coop. Puis, tu sais, avec mon frère, ma soeur, puis ma mère, on a cherché des jeux pour essayer de retrouver le feeling de Overcooked. Puis. Parce que t'es vraiment récompensé pour chaque chose que tu fais de bien, je pense, dans Overcooked. Ben, C'est quand même c'est plus. facile de te placer puis faire les choses. La conclusion qu'on est arrivé, pour en avoir essayé plusieurs, on avait joué aussi, mettons, le jeu de déménagement, que je me souviens jamais du nom. Moving Moving Out, Out, OK. que t'es tout le temps pogné partout. Ouais. Puis, tu sais, mettons, Moving Out, c'est un bon exemple parce que tout le monde fait un peu la même chose. Ou en tout cas, on s'est pas rendu assez loin pour voir s'il y avait des nuances pour dire, genre. Alors que dans Overcooked, c'est genre, OK, toi, tu vas couper les oignons, puis tu vas les porter là. Là, moi, je vais aller chercher la vaisselle, puis je vais aller faire les assiettes. Mais là, toi, tu vas les porter. Tu sais, comme, fallait se répartir des rôles, puis tu pouvais pas. Je veux dire, comme chaque level te forçait, t'encourageait à trouver une affaire différente, à trouver une approche différente, une méthode différente, puis t'avais. Ben, c'est ça. Tu pouvais. Ça t'obligeait à sortir de ta zone de confort. Puis là, avec mon frère, ma soeur, ma mère, on faisait des stratégies de genre comment qu'on va faire pour pour faire le tableau de manière le plus efficace puis avoir 3 ou 4 étoiles. Mais là, dans Moving Out, c'est ça. C'est que tout le monde fait un peu la même chose. Fait qu'il y a moins la répartition des rôles qu'il y a dans Overcooked. Puis Unrailed, comme je disais, on a joué vraiment beaucoup. Fait que, tu sais, c'est quand même un bon jeu. Mais comme après une dizaine d'heures, là, je pense qu'on se disait qu'on commençait à avoir fait le tour. Puis là, la seule chose qu'on aurait pu faire, c'était recommencer du début pour essayer de pogner tous les objets secrets. Puis, tu sais, se rendre à la fin pour voir le dernier level. Mais on s'est pas rendu là. Fait. Ça manquait, dans le fond, ça manquait la petite... Ça manquait la petite affaire qui t'encourage à changer de rôle. Parce qu'au final, on avait comme trouvé notre stratégie gagnante où est-ce que ma mère coupait le bois, moi je ramassais les roches, mon frère et ma sœur s'occupaient des rails, puis c'était ça. Puis on a juste comme fait ça pas mal tout le long. Puis à un moment donné, c'était comme, bon, si je fais toujours la même chose, c'est pas très varié. Tu sais, comme... Faut gérer nos priorités, dire genre, ok, je vais couper le bois là, mais là, il va falloir que je coupe le bois pour qu'ensuite, toi, tu puisses miner, parce qu'il faut que tu te rendes d'abord, fait que je te fais un chemin, puis après ça, je me tasse. Mais tu sais, c'est le plus gros de stratégie qu'on avait à faire. Fait que c'est plus, comme, un peu plus simple que Overcooked, mais genre, c'était bon, là. Puis c'est un jeu à, je sais pas combien qu'il coûte, là, mais il est en bas de 20$. Fait que, tu sais... C'est un bon jeu. Pour quelqu'un qui dit genre, ok, j'ai fait le tour de Overcooked, je veux d'autres choses, ça c'est un bon. Qui va peut-être pas te garder aussi longtemps que Overcooked, mais qui va te garder quand même pas mal longtemps. Puis c'est ça qu'il faut. Fait que voilà, c'était Unrailed. Comme j'ai dit, nous on l'a eu sur le Epic Game Store quand il était gratuit. Fait qu'il est disponible là. Mais je suis pas mal sûr qu'il est disponible genre sur Steam pis sur les consoles. Faudrait que je vérifie. Sinon, toi? Ouais, je peux aller voir ça. Ben, tu parlais d'un jeu à la Sonic où est-ce qu'il faut que tu te rendes jusqu'à la fin puis après ça tu découvres que c'était pas vraiment la fin puis qu'il te reste plus de choses à faire. Mm-hmm. Demon Crest, c'était comme ça. Demon's Crest. C'est-tu un multiplayer, ça? Non. Ah. Non, c'est single, puis c'est un genre de spin-off de la série Ghouls and Ghosts. Ah, oh, mon Dieu, l'affaire super vieux, là, le gars qui lançait des haches en boxeur? Ouais. Ben, il était pas nécessairement en boxeur. C'est parce que si tu te touches, tu vas finir en boxeur, mais si t'es une vedette super bon... Tu vas garder ton armure, là. Uh-huh. C'est juste les gens poches qui perdent leur armure dans ce jeu-là. Moi, je me rends jusqu'à la fin. Là. Sans jamais perdre ton armure. Peut-être de temps en temps. Oh! Tu dois donc courir avec l'humiliation du boxeur. Ce qui est vraiment pas juste, en plus, dans ce jeu-là, c'est que ben, moi, j'ai joué surtout à Super Ghouls and Ghosts. Celui, mettons, sur NES, c'est un petit peu différent, là. Puis dans Super Ghouls and Ghosts, tu peux upgrader ton armure pour avoir l'armure verte qui booste tes armes avec de la magie. Puis après ça, l'armure en or qui te permet d'avoir une espèce de ultimate que tu peux charger. Change selon les armes. Fait que il y en a un qui fait comme des tornades qui blastent tout l'écran. Il y en a un qui fait comme un dragon qui fait un petit peu le tour, qui fait plein de dommages sur les boss. Celui avec les flèches, ça te révèle sont où tous les coffres cachés. Fait que des fois, tu peux prendre ça comme ça tue pas les ennemis, fait que comme on pourrait dire que c'est pas bon. Sauf que l'arme qui vient avec, c'est comme les flèches à tête chercheuse, fait que ça clear déjà les écrans, mais surtout c'est que tu peux faire apparaître les coffres. Puis en faisant apparaître les coffres, tu vas pouvoir deviner peut-être comme quoi faire pour les faire apparaître la prochaine fois. Parce que Super Ghost and Ghost, la façon de faire apparaître les coffres, c'est comme de mettre ton bonhomme à des places en particulier. Comme premier tableau, je pense qu'il y a un coffre caché complètement à gauche dans le coin, mais il suffit juste que tu ailles sur le premier poteau puis que tu sautes le plus haut que tu es capable. Quand ton bonhomme passe dans l'espèce de zone invisible qui est le plus haut que tu es capable, ben ça fait apparaître le coffre à gauche, puis là, tu peux le ramasser. Fait que c'est comme ça que tu trouves tes armures. Mais moi, surtout, ce que j'ai joué, c'est Demon's Crest. C'est comme basé sur un des ennemis les plus chiants de ce jeu-là, mais qui n'est pas nécessairement un boss. C'est juste que, comme personnellement, je le trouve plus fatigant et difficile à tuer que la plupart des boss. Surtout dans un jeu où tu as juste comme 2 points de vie, essentiellement, là. Mais en gros, j'ai parlé super longtemps des armures sans mentionner le point principal. C'est que si tu upgrades ton armure au maximum, tu te fais toucher une fois, ta paire au complet, pareil. C'est pas comme s'il y a power down. T'as pas comme de points de vie de plus. Mais anyway, le gros monstre méchant, c'est l'espèce de gargouille rouge. Et puis, ils ont décidé de faire une série de spin-offs, je pense, pour commencer sur Game Boy. Dans ce temps-là, le Game Boy en noir et blanc, si je me trompe pas, qui était Gargoyle's Quest. Fait que 1 puis 2. Puis éventuellement, quand ils ont décidé de faire le troisième, ils ont décidé de le faire sur Super Nintendo. Fait qu'on dirait que c'est comme un titre pour accompagner Super Ghouls and Ghosts, mais comme il n'y a pas beaucoup de références à Super Ghouls and Ghosts dedans. Il est comme difficile à décrire parce que tu voudrais croire que c'est comme un Metroidvania, sauf que c'est des tableaux séparés que tu accèdes par une map. Une map un peu comme dans les RPG de Super Nintendo où est-ce que tu pouvais voir comme la planète d'en haut avec le mode 7 puis voler sur un dragon pour aller dans les différentes villes. Fait que quand tu joues à Demon's Crest, tu fais ça, tu vas sur la map puis tu visites les tableaux, mais un peu comme dans Super Metroid, ben t'as des affaires cachées à aller pogner un petit peu partout puis du backtracking à faire. Fait que chacun des tableaux t'es fait plusieurs fois. Et en approchant de la fin, éventuellement, t'as l'impression d'avoir pas mal comme tout trouvé les places, parce qu'en fait, ça te dit pas nécessairement où tu peux atterrir. Ou plutôt, j'ai découvert tard que tu pouvais comme changer la map pour savoir il était où les tableaux pour descendre dessus. Et puis, si tu descends à bonne place, ben tu vas aller dans un tableau, mais proche de la fin, il y en a des nouveaux qui sortent. Tranquillement, puis moi je savais pas, fait que éventuellement le boss final est sorti, je suis allé puis je l'ai battu. Mais si tu fais ça directement, il te dit comme qu'il a pas eu le temps de se préparer, il est comme relativement facile, puis le jeu finit avec une fin en queue de poisson qui dit que parce que t'as tué le boss, ben là les démons sont comme en chaos, puis ils savent plus quoi faire, puis sont en anarchie, puis ça va pas bien. Fait que vu que j'étais pas satisfait, j'ai comme deviné qu'il devait avoir une deuxième fin pour cette patente-là. Puis j'ai décidé de le recommencer. Puis effectivement, si tu fais exprès de trouver tous les tableaux, tu peux avoir une fin plus normale éventuellement. Sauf que ça, c'est la fin normale, mais en plus, il y a une bonne fin si tu as trouvé encore plus de choses. Puis si tu finis la bonne fin avec toutes les choses, il te donne un code parce que c'est pas un jeu avec des saves, c'est un jeu avec des Oh codes. my God. Ouais. Il te donne un code, C'est puis là, vintage. tu peux aller faire une fin secrète. Mais ça, ce qui est bien avec les jeux avec des codes, c'est que tu peux juste trouver des codes sur Internet. Oui, il y a ça. Fait que si, mettons, tu vas avoir la bonne fin puis t'es incapable de faire tous les challenges puis trouver tous les objets, tu pourrais aller chercher le code puis juste le mettre dedans. C'est un jeu avec certains problèmes parce que t'es comme un peu enfergé dans les animations. Ah. Je veux pas trop bâcher le jeu parce que je trouve qu'ils ont fait des affaires un peu innovantes. Façon de parler. Comme le personnage que tu contrôles, tu peux juste tu sautes, puis tu repèses sur sauter, tu vas comme voler dans la direction que tu veux, gauche-droite. Tu peux pas monter à l'infini, là, mais tu contrôles ce bonhomme-là, puis après ça, tu peux coller sur les murs, un peu comme dans Megaman. Fait Les contrôles sont vraiment différents d'un hack and slash, d'un run and gun ou d'un platformer standard. Comme ça se porte bien à l'exploration, comme de style Metroidvania. Éventuellement, tu peux transformer ton personnage pour qu'il devienne comme la gargouille de la terre qui est capable de briser des roches, la gargouille de l'air qui, elle, est capable de monter dans le ciel, puis la gargouille de l'eau qui est capable de nager. Puis, Comme... eux autres, quand ils se font toucher, est-ce qu'ils tombent en boxeur? Non, t'as beaucoup de vie. Quoi? Le jeu est pas facile, Quoi? mais sais, c'est le genre de jeu qu'il est difficile quand tu le sais pas. Puis aussitôt que tu commences à trouver les trucs, ben tu vas chercher tous les points de vie, tu connais déjà les ennemis, puis finalement ils sont pas vraiment forts. Ça prendrait un mode dans, voyons, Demon's Soul, puis Dark Soul, and shit, pour que t'as un point de vie, t'as deux points de vie. Tu te fais toucher une fois, tu perds tout ton équipement, puis tu tombes en bobette. Puis là, Ben, c'est peut-être un mode. j'espère que ça existe. J'espère que quelqu'un a fait un mode que quand tu te fais toucher une fois, tu tombes en bobette. T'es pas mort! Tu peux encore continuer le jeu! Mais t'as plus aucun équipement. Puis Il là, faut. faudrait que tu puisses lancer à l'infini des copies de ton arme. Ça a vraiment aucun sens, là. Peut-être que tu gardes ton épée. Tu gardes ton épée. Puis tu perds tout le reste. Parce que dans Ghosts and Ghosts, tu lances des projectiles. Admettons, on va dire que tu lances des couteaux. Bon, je sais pas, là, tu as une pochette avec des couteaux, puis tu peux en lancer, disons, à l'infini, là, mettons, là, mettons, ça marche. Mettons. Mais pitcher des lances de joutes à l'infini. Ben, oui, pourquoi Non, mais pas? c'est des lances de joutes à cheval, là, les Wow. longues. Là. Ouais. Ça. Ça se lance pas, c'est ça que t'es en train de dire. Ça Genre. portait très mal son nom, finalement. La C'est lance une que tu lance, mais on la lances, lance elle, pas. c'est le design qu'ils ont donné. La lance que tu peux lancer est comme, c'est juste un bâton avec un pic au bout, là. Ça se lance comme un javelot. Mais celle qu'ils ont mis dans le jeu, c'est celle que tu es supposé d'avoir sur un cheval. Tu peux pas pitcher ça. Comme, ok, j'imagine tu peux lancer des haches. J'imagine tu peux lancer des torches, mais normalement ça te prendrait du temps pour toutes les mettre en feu une par une. Non, mais c'est ce que dans ton sac magique, il y a un petit lutin qui les allume pour toi, l'une après Ouais. l'autre. C'est un sac comme dans Harry Potter, là, qu'il est plus gros à l'intérieur. Le mieux, c'est les flèches, là. Comme tu pognes les flèches, puis sur l'image en haut qui dit quelle arme t'as, il y a comme un arc. Mais il a la même animation que pour toutes les autres, fait qu'il lance les flèches avec sa main. Une grande utilité d'avoir un arc. C'est comme. Mais là, on est revenu dans Super Ghosts and Ghosts, par contre. Ouais. Mais tu te souviens-tu, le temps qu'à niaiser, te souviens-tu de l'émission Sinbad le Marin? Une émission où Ouais, je il. pense. il... C'était un live action un peu comme Oui, oui, Xena oui. à l'époque. Oui. Te souviens-tu, mais tu sais, c'était comme. Il y avait. Le gars cool, il y avait le gros, il y avait la fille pitoune, et il y avait le noir qui parle pas et qui lance des couteaux. Parce que ça prenait un personnage noir, tu sais, c'était les années 90. Ça prenait un personnage noir, mais on veut pas l'entendre. Fait que c'était un rôle muet. Le personnage ne parle pas. Et il lançait des couteaux. Puis il montrait toujours comme sur lui, il y avait comme une espèce de pochette, puis il en rentrait comme, mettons, 5, peut-être 7, pas ben plus. Mais dans le show, comme il lançait beaucoup de couteaux. Puis on le voyait jamais aller en acheter d'autres ou aller les chercher. C'est. Ouais. Ben forcément, quand il était hors champ, il allait aux toilettes puis il allait chercher ses couteaux. Ah, ça doit être ça. Mais tu sais, Sinbad, c'est aussi l'émission où est-ce que il y avait toutes des épées, mais les combats, c'était toujours cling, cling, cling d'épées, puis là, je te donne un gros coup de pied. Puis on ne voyait jamais de violence. C'est juste, on joue avec nos épées pendant un petit bout, puis après ça, je te donne un coup de pied, ou l'autre, il te donne un coup de pied, puis là, tu tombes à terre, puis là, ah, t'es mort. Ben, comme la vraie guerre anciennement, là, dans le temps, faisait ça, il y avait pas de sang, le monde, c'était cher, le sang, fait qu'ils donnaient des coups de pied, puis ça aimait pas. C'est ça. Fait que ça, c'est ce que j'imagine. Comme, clairement, c'est parce qu'ils voulaient pas montrer de la violence puis du sang à une émission de pour enfants. Ben oui, c'est sûr. Mais j'étais comme, c'est ironique que comme, ah, la violence, on peut la montrer, mais pas au complet. Fait qu'on peut montrer qu'on se bat avec des épées, mais il y a pas de sang. Puis, ouais. C'est comme il faisait à certains animés, là. L'animé Yu-Gi-Oh! A été censuré pour un paquet d'affaires, là. À un moment donné, t'avais comme des agents secrets, des bodyguards, il n'y avait pas le droit d'avoir d'armes à feu. Oh. C'est comme les censeurs aux États-Unis qui ont décidé ça. Fait que je sais pas pourquoi que aux États-Unis, tu voudrais enlever les armes à feu, mais en tout cas. C'est vrai. Je verrais ça comme ici, là, peut-être, au comme Canada, un plus. Mais... Fait que là, il y avait l'émission de Yu-Gi-Oh! Qui jouait, puis un moment tu avais des agents secrets, puis des gardes du corps qui étaient comme pour se tirer dessus, mais avec leurs doigts en forme de fusil. Parce qu'il y avait tout dessiné par-dessus. Oh non! Ouais. Oh non! Il y avait juste leurs doigts en forme de fusil. Je trouve que c'est vraiment une bonne... C'est... Fait que dans l'univers de Yu-Gi-Oh!, les gens peuvent tirer du gun avec leurs doigts. Je sais pas. Mais est-ce il que... Il avait pas le droit de dire que les gens meurent aussi dans cette émission-là, fait que... Ah, fait qu'ils tombaient. Ils non, perdaient connaissance. Il avait fait quelque chose de pire. Comme, dans certaines situations, là, les démons des cartes prenaient vie pour vrai, là. Comme si tu perdais un duel de cartes dans l'univers parallèle où est-ce que le méchant t'emmenait, t'allais mourir pour vrai. Mettons, ça c'est dans le manga, ok? Fait que dans l'émission, il pouvait pas faire que quelqu'un a une chance de mourir, fait qu'il disait que tu t'en vas dans le Shadow Realm. Oh! Fait que c'est comme si tu t'en vas en enfer ou je sais pas quoi, mais que ça s'appelle pas l'enfer. Ça, c'est supposé être mieux. Oui, c'est mieux. Tu t'en ton vas... âme va être damnée éternellement, tu seras pas mort. Comme ça, moi, tu me donnes le choix, là. Tu me donnes le choix, c'est comme, hey, Narf, la vie après la mort, comme, on en parle, mais comme, probablement que juste tu meurs, pis that's it. Comme, c'est fini. C'est la même affaire qu'avant que tu vives, c'est-à-dire que tu le sais pas. T'as passé une grande partie de la vie de l'univers sans savoir que t'existais. À un moment donné, t'as existé, pis à un moment donné, t'arrêtes d'exister, pis that's it. Moi, je trouve ça quand même pas mal plus rassurant que la possibilité d'aller pour l'éternité dans une place que ça va être de la merde. En fait, c'est ça qui est drôle, c'est que, tu sais, dans la vie, si tu meurs, tu le sais pas, mais t'as une chance, tu sais, comme il y a une probabilité, comme tu sais pas où tu t'en vas. Mais dans Yu-Gi-Oh!, t'es sûr d'aller dans le Shadow Realm. Ouais, fait que je veux pas... Bref, la solution, c'est de ne pas jouer à Yu-Gi-Oh! Ouais, c'est ça. Comme ça, tu seras pas damné dans une dimension parallèle. Mais, attends. Est-ce que c'était juste les personnages de Yu-Gi-Oh! Est-ce que dans cet univers, les gens peuvent mourir, mais sauf les joueurs de Yu-Gi-Oh! Est-ce que c'est non, comme... Je pense que c'est sous-entendu que c'est un univers relativement normal. C'est juste que les méchants qui arrivaient, ils faisaient de la magie, puis les duels de cartes qu'ils faisaient, ils faisaient ressortir la magie derrière les créatures qui étaient dessus. Puis tu sais, donc à cause de ça, eux autres, ils vont dans le Shadow Realm, parce qu'ils font de la magie. Les autres humains qui jouent pas à Yu-Gi-Oh, eux autres, ils sont corrects. Oh ouais, c'est ça. Les autres vont c'est juste l'idée mourir. D'un espèce de pacte que tu fais quand tu déclares un duel avec quelqu'un. Ah! Fait que la plupart des games étaient normales, mais de temps en temps, t'avais quelqu'un comme qui venait de l'ancienne Égypte, qui était réincarné, qui avait des pouvoirs, qui était capable de t'emmener, de faire une game dark dans une autre dimension où est-ce que là, c'était dangereux. T'imagines-tu ça dans la vraie vie? Genre, il y a quelqu'un random qui arrive dans la rue, qui est habillé en vieux égyptien, pis qui dit genre, hey, on va faire une game de poker, pis si tu perds, ton âme s'en va en enfer. Pis si tu gagnes, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Pis comme... Pis là, ça c'est crédit. Mais c'est les émissions. Parce que le scénario de ce manga-là a comme un peu déraillé quand il a inventé son jeu de cartes. Au départ, quoi, il y en avait pas au début? Non. Ça parle d'un petit gars qui est vraiment bon dans toutes les sortes de jeux. Puis là, ben, il réussit un puzzle qui était supposé être impossible. Ça libère l'esprit de la personne en qui il est réincarné. Et le pharaon dieu des jeux. Puis le pharaon dieu des jeux devient comme un vigilante un peu. Il est capable de challenger les gens à des duels, puis c'est tout le temps des gens méchants. Puis c'est au début, c'est n'importe quel jeu. C'est comme, OK, on pile ou face, on joue au dé, on fait un jeu d'échecs. C'était tous les jeux. Puis quand ses opponents, ils perdaient, puis ils perdaient tout le temps parce qu'ils étaient le dieu des jeux, puis de toute façon, c'était des méchants, ben, il leur arrivait quelque chose du genre, ils deviennent fous, deviennent aveugles. Ah, il allait pas dans le Shadow Realm à ce moment-là. Ben, de façon de parler, oui, là. Ah, OK. Comme il allait dans une place sombre. Comme souvent, il finissait... Okay. Souvent, il finissait comme puni par le vice de pourquoi il s'était fait challenger. C'était un peu de l'horreur, façon de parler, mais de l'horreur légère, comme on voit dans les mangas pour garçons. Puis à un moment donné, ben il y avait le jeu de cartes qui est sorti, puis comme ça devait faire comme un arc, j'imagine. Mais les éditeurs, ils ont dit, tu continues avec ça, tu fais juste ça. Ça va être ça le sujet. Puis à partir de ce moment-là, il est aussi devenu un petit peu moins méchant pour que ça devienne plus grand public. Puis la partie avant le jeu de cartes, ils l'ont adapté en animé. C'est comme la saison 0, ça n'existe plus vraiment. Ah, okay. On n'en parle pas. C'est drôle. Hey, là, je nous ai fait vraiment dérailler parce qu'on teste nos jeux de Noël, puis là, on est rendu sur Yu-Gi-Oh! Tu sais, mais j'adore Yu-Gi-Oh! Le principe de j'écoute pas ça, puis j'ai pas joué plus qu'il faut, mais. Puis là, moi, je te pose 1000 questions par rapport. Fait que Demon's Crest, j'ai réussi à le finir, j'ai pogné la meilleure fin, je le recommande pas de pogner les meilleures fins, mais je vous recommande de l'essayer assez pour débloquer une coupe de transformation. C'est cool! Tu penses que comme c'est un jeu un peu normal avec comme des forces, des faiblesses, puis un moment donné, t'es comme OK, il y a plein d'unlocks vraiment nice, comme tirer plus de boules de feu plus vite, puis genre te transformer pour aller dans une nouvelle partie du tableau que tu savais pas qu'elle était là. C'est pas mal intéressant. Fait que si vous tombez là-dessus, c'est comme un. C'est comme une perle cachée un peu. Mais oui, des fois, comme tu essaies de jouer, puis là, c'est Twitch un peu, tu essaies d'éviter des affaires, puis là, ah, il a collé sur le mur, fait que là, il est dans l'animation d'être collé sur le mur, fait que tu peux pas sauter tout de suite, faut que tu attendes comme 5 frames, fait que là, tu étais comme pris. Contrairement à, mettons, Metroid, où est-ce que tu pèses sur les contrôles, si t'es dans une situation où tu peux faire quelque chose, ça va le faire. Mais pas dans ce jeu-là. S'il fallait que tu t'agrippes au mur, faut qu'il prenne le temps de s'agripper au mur au complet avant que t'aies le droit de sauter. Puis si tu pèses sur sauter pendant qu'il n'est pas fini, il va oublier que t'avais pesé là-dessus. Tu sais, ou, je sais pas, là, t'essayes de voler, ben, il faut qu'il commence à se placer, puis là, tu te fais toucher. Fait que tu prévois d'avance, tu vas t'en sortir, c'est pas si dur que ça, mais c'est un peu pogné d'un contrôle des fois. C'est pas mal ça, ma critique principale. Mais c'est un bon jeu comme difficile un peu. Le genre de jeu que tu peux faire avec un coach qui te dirait comme pas trop, mais genre non, ça donne rien, vas-y pas tout de suite, ou attends, t'as juste oublié, fouille dans ce coin-là, puis là tu ramasserais plein de points de vie, ça deviendrait quand même facile, puis Même, faut que tu saches comme tes gargouilles élémentales sont bonnes contre certains boss ou pas. Fait que t'as avantage à changer de sorte pour savoir le boss va mourir plus vite avec quoi. Des fois, c'est un peu contre-intuitif. Tu veux prendre le bonhomme qui bouge le mieux, comme mettons la gargouille volante, pour éviter toutes les attaques. Mais c'est pas nécessairement elle qui fait la meilleure attaque. Fait que si tu pognes la gargouille de terre qui bouge mal, ça tue le boss tellement vite que finalement, c'était la bonne décision. Non. Ça fait un peu penser à Megaman, même sur ce point-là. Comme une fusion entre Metroid, Golden Ghost, Megaman. Quand même impressionnant. Mais il tombe pas en bas. Personne connaît ça. J'ai Fait manqué. que, ouais. J'ai manqué. C'est quelle année à peu près ce jeu-là? Je pense que c'est 94, 93, 94. C'est un jeu de Super Nintendo. Comme je disais, c'est comme pour accompagner Super Ghosts and Ghosts à la même époque. Quelqu'un qui dit genre « Ah! J'ai eu tellement de fun à jouer à Super Golden Ghost que je vais me taper un autre jeu fucking chien impossible! » C'est comme plus facile, puis les contrôles sont plus intuitifs. Dans Super Ghosts and Ghosts, c'est le genre de jeu où tu peux pas changer de trajectoire quand t'as sauté. Tu sais, ils en font plus des Oh jeux mon comme ça. Dieu, oui. Au moins, dans Super Ghosts and Ghosts, c'est un double jump. Fait que tu peux comme jump une fois par en avant, jump une fois par en arrière, puis comme ta trajectoire ne change pas, tu peux jumper par en avant, tirer vers ton dos pour te pousser puis attaquer en même temps. Et c'est de là qu'il vient le super. C'est... Ouais, en tout cas, faut s'habituer, mais si tu compares Megaman puis Metroid, tu veux te sauver de quelque chose puis tirer dessus en même temps, tu peux pas parce que ton bonhomme il se vire au complet puis se met à courir dans l'autre direction. Mais Super Ghosts and Ghosts, tu peux. Puis au début, ça a l'air d'une weakness, mais quand tu sais t'en servir, ça devient un avantage. Fait que, Sinon, ouais. je vois que tu as joué à Small World. Ouais, Je pour pense que ceux qui j'ai savent déjà pas c'est joué à quoi, ça. Ça fait. ça ressemble un peu à Risk, mais c'est beaucoup plus facile, beaucoup moins long. Puis T'as comme c'est-tu une bon? carte où est-ce que tu mets des populations de bébites. Puis la population de bébites que t'as, ben il y a comme une espèce de mini-game pour pour la choisir, entre guillemets. Fait que y a plein de races qui sont dans boîte, tu les mélanges, puis t'en mets 5 au hasard. Puis il y a plein comme de qualificatifs que tu peux leur rajouter. Ils sont aussi au hasard, puis tu les colles à côté. Fait que là, tu vas avoir les Rackety Ring Dwarves, puis les Swamp Vampires, puis ainsi de suite. Il y a toutes sortes d'affaires. Là, en plus, on a joué à des extensions, fait que il y avait comme un tas de choses, là. Je sais pas c'est quoi qui est dans le jeu de base même. Mais en gros, tu n'auras jamais une game tout à fait pareille parce que tu choisis pas directement ton équipe. Tu es obligé de choisir dans le pool qui est disponible puis jouer avec ça. Puis les qualificatifs sont au hasard aussi. Fait qu'avant que tu revoies deux fois la même combinaison pour te pitcher dessus pour la choisir parce que toi, dans ta tête, c'est un bon combo, ça va prendre du temps. Il n'y a pas un système d'enchères aussi, il me semble? Oui. Si Que tu veux pas la si tout le monde première en voit haut, le t'es obligé bon de payer. combo, ouais, c'est ça, hein? T'sais, si tu Tu le vois le veux. bon combo, tu fais genre, ah, oh, j'aimerais ça avoir l'autre en haut, mais là, faut que je paye plus cher. En fait, c'est plutôt que personne aimait les dwarfs, il n'y avait pas de bons espaces pour les utiliser, fait que tout le monde voulait les skipper. Ben dans ce cas-là, tu mets une pièce dessus, tu peux passer à l'autre. Puis si tu veux pas l'autre, tu mets 2 piastres dessus, puis tu passes à l'autre. Puis un jour, quand quelqu'un l'a choisi, c'est lui qui gagne cet Il argent-là. gagne le cash, mais oui. Il y a toutes sortes. Il y a des qualificatifs qui sont passifs, là. Par exemple, ma blonde en avait pogné un que à chaque fois justement que quelqu'un veut skipper, il met sa pièce, mais la banque lui donne une pièce à elle aussi. Comme si elle avait mis une taxe là-dessus ou quelque chose. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de cash à la fin. Fait que quand ton tour finit, tous les morceaux du pays où est-ce que tu as des bébites, ça te donne une pièce. Puis ceux où est-ce que tu aurais des bonus, par exemple, ta créature, ta race, c'est la swamp quelque chose, ben tu vas avoir une pièce de plus sur chaque swamp. Des choses comme ça. Puis tu peux abandonner ta race. Ça va faire que tu les contrôles plus, mais ils vont continuer de te donner de l'argent. Puis partir avec une nouvelle race. Fait que là, ça te donne plein de nouveaux pions. C'est des tuiles. Plein de nouvelles tuiles que tu vas pouvoir redistribuer. Fait que il y a des moments stratégiques où est-ce que tu dois changer ta race. C'est quand même. C'est le genre de jeu aussi où est-ce que tu peux difficilement comme te fâcher après les autres parce que les stratégies sont évidentes, puis si tu les fais pas, tu vas vraiment comme te mettre en arrière de tout le monde. C'est pas comme un jeu où est-ce que tu peux être chien. C'est juste comme t'es pas chien, c'est la seule option. Comme tu bouffes un peu les trucs des autres, puis eux autres aussi te l'auraient fait, puis. Puis y a-tu de l'élimination de joueurs comme dans Risk? Non, pas vraiment. C'est la seule chose, c'est que peut-être qu'il peut avoir quelqu'un qui est tellement loin en arrière que ça y vaut plus vraiment la peine, là. Parce que toi, tu continues de jouer, c'est tes petits bonhommes qui sont plus là, puis tu les abandonnes, puis tu pars avec d'autres choses, puis c'est tout, là. Si quelqu'un a mangé toutes tes bébites, la prochaine fois, t'en prends d'autres. Des fois, il y a des bébites qui peuvent se multiplier. Les squelettes, quand ils tuent d'autres mondes, pour chaque deux bébites tuées, ça remet un squelette dans ton pool pour la prochaine fois. Les mudmen, eux autres, ils se multiplient. Je pense quand t'as des swamps, tu peux avoir un mudmen qui pousse. La boîte aussi est designée pour que, par exemple, les mudmen aient une quantité maximale. Quand t'as le maximum, tu peux pas en avoir plus que ce qu'il y avait dans la boîte, là. Sinon, si les mudmen ne s'arrêtaient pas là, tu pourrais créer un board state où est-ce que t'es pas arrêtable. Ouais, bon. Ok, ben ça m'intrigue parce que comme Seven Wonders, voyons, qu'est-ce que je dis là? Small World, je n'ai entendu parler, mais comme la vibe que j'avais eue, c'était que c'était pas très bon, que c'était comme vraiment compliqué pour rien, puis c'était pas super bon. Mais là, t'as Je l'air pense que de. c'est compliqué à expliquer. Ah. Et quand tu joues, tu remarques que finalement, il n'y avait rien là. Puis que c'est peut-être devenir bon, puis faire la stratégie, je pense que ça peut prendre du temps d'être vraiment optimal. Fait que de ce point de vue-là, Ouais, ben ça, peut-être que c'est pas ça un fait que problème. C'est c'est quasi. vraiment ceux qui ont compris le jeu d'avance qui prennent un gros avantage, puis les autres ont de la misère. Ou peut-être Ouais. qu'il y a un peu de luck, là. La dernière fois qu'on a joué, c'est quelqu'un qui avait les géants qui a gagné, qui s'était placé sur des montagnes, parce que les géants, ils ont comme un bonus de défense, puis je pense que ces géants, il y avait un qualificatif qui faisait qu'ils pouvaient mettre des tentes pour monter la défense. Fait que là, ces affaires étaient vraiment pas tuables. Puis il y avait un avantage sur les montagnes qui les rend encore moins tuables. Placé à une place que là, tu pouvais pas vraiment la déloger en début de game. Fait qu'elle a pris un avantage que tu pouvais pas faire grand-chose finalement. J'imagine que quand t'es bon, tu joues plusieurs games d'affilée, tu sais, puis ça devient que chacun a la chance de gagner. Mais si t'en as pas, si t'as pas beaucoup de games à jouer, ouais, t'as peut-être pas beaucoup la chance de te reprendre. Et puis, c'est juste que qu'est-ce qui va briser la game? Ben, il n'y a personne qui peut forcer de l'avoir pour lui. C'est le hasard qui va décider qui a la chance de le pogner. On m'avait dit qu'il y avait une race, je pense que c'est comme des magiciens, des sorciers. Il me semble qu'ils peuvent changer une créature de chacun des autres joueurs en eux-mêmes. Ça a l'air que ça fait boule de neige, puis ça a comme pas d'allure, puis tu peux juste pas gagner contre ça. Ah ben. Mais je sais pas si c'est vrai ou si c'est juste comme quand t'as, mettons, 4-5 joueurs habitués, tout le monde va attaquer ceux-là parce qu'ils savent c'est quoi leur truc, puis ça va finir là. Peut-être juste qu'il faut justement que tu le saches, puis que tu les gères, mais ça se peut qu'ils soient polarisants, puis qu'ils défont les games. Parce que moi, tu vois, on a joué pas mal dans les vacances à. Bon, on a rejoué à Wingspan, pas mal. Qui continue d'être très bon. Puis ça, tu vois, c'est le genre de jeu que tu sais pas trop qui gagne. avant la fin de la game. OK. Fait que tu sais... Comme Mario Party, là. T'arrives, puis ah, des prix magiques, puis... Un peu, ouais. Et comme, tu sais, ma mère, elle était frustrée, elle était comme genre, ah, oh, là, je gagne pas, ça va pas bien mon affaire, c'est vraiment de la merde. Puis tu sais, comme, elle a fini deuxième ou troisième quand même, là. Fait que tu sais, elle était pas si poche que ça, les scores étaient assez proches, tout le monde. Ou ben, on a joué aussi à Seven Wonders Duel, qui est la version deux joueurs de Seven Wonders. Ça, tu vois, ma mère, elle a joué beaucoup. Puis, je pense que j'ai gagné, mais tu sais, c'était proche, là. T'sais, c'était, les scores étaient assez serrés. Fait que tu sais, c'est, malgré qu'on avait des stratégies complètement différentes, au final, je pense que j'ai été un petit peu chanceux à la fin de la game. Je pense que j'ai vu le board, j'ai fait vers la fin de la game, je vais m'aligner sur telle stratégie, puis là, ben, à la fin de la game, ça l'a donné, puis ça m'a donné un avantage. Mais ouais, c'est comme il y a moyen, je pense, de faire des jeux que c'est comme c'est pas trop sûr qui gagne, puis t'as quand même le feeling, tu sais, comme mettons Wingspan, t'as quand même le feeling de genre, ok, ben je fais des affaires, je place des trucs sur mon plateau, puis j'essaye d'avoir mes objectifs. T'attaques pas vraiment les autres joueurs, au point où est-ce que d'ailleurs ça peut être un peu plate pour certaines personnes qui aiment ça, avoir plus d'interactions entre les joueurs. Ouais. Puis on a lu à propos des expansions, puis ça a l'air qu'il y a une des expansions qui rajoute ça, qui rajoute comme plus d'interactions entre les joueurs. Fait que ça... Mais c'est ça, sinon, t'es un peu incertain de qui gagne. Puis sans que ça devienne le Mario Party, que ça, ils vont récompenser n'importe qui, n'importe comment, puis c'est... Ça a juste pas rapport. Ouais. Là, c'est plus comme... T'sais... Faudrait que tu donnes l'effort d'aller compter les points, d'aller checker les plateaux de tout le monde puis compter les points pour voir à qui est rendu où. Parce que tu regardes le plateau de tout le monde, tu fais comme ok, lui il a plus d'oiseaux, mais moi j'en ai moins, mais mes oiseaux valent beaucoup de points. Fait que I guess que c'est à peu près équivalent finalement. Ça bénéficierait d'une manière, mettons, électronique de présenter des meilleurs estimés. Là. Peut-être, sinon, mais... Tu as de la perte de temps de tout checker. Là. Ouais, mais en même temps, il y a aussi des cartes secrètes que tu les révèles pas avant la fin de la game. T'as comme les joueurs ont des objectifs secrets. Fait que... Ça fait que... Tu peux pas le savoir. C'est ça, tu peux pas être sûr de qui gagne. Mais Wingspan, ça, c'est une valeur sûre. Là, on avait joué comme en fou là, la première année que je l'ai amené. C'était quand c'était pendant mon burn-out. J'ai passé à peu près un mois chez ma mère. On a joué quasiment tous les jours. On a beaucoup aimé Wingspan. Puis là, on checkait pour avoir les expansions. Ah, j'imagine qu'une expansion interaction, ça serait l'idéal. Ouais, il y en a qui changent les plateaux, il y en a qui rajoutent des oiseaux. Faudra que je check un peu c'est quoi qu'ils font, là, les expansions. C'est juste qu'ils sont un peu chers. Hein. Le problème de Wingspan, c'est que si tu veux le jeu en français, il est 15 à 20 piastres plus cher. Puis les expansions, c'est la même chose. Ouais. Puis comme les expansions sont déjà comme 35-40 piastres, ben là, ça, quand ça monte à 50 piastres, 60 piastres, oh boy, ok, là, on... Je suis pas sûr des prix, là, je dis ça à peu près, là, mais c'était dans ce range-là, me semble. Ouais. Ouais. Si t'es sûr de jouer beaucoup, des fois, ça se sépare à la gang, mais... Ah, pour vrai, ça me dérangerait pas de l'acheter, comme je pense qu'on va jouer en masse. Mais c'est pas un achat automatique aussitôt que tu le vois dans le magasin. C'est... Ben, moi, j'étais mindé, là. J'étais comme, ok, on va aller acheter une expansion. Ah, okay. Puis la seule raison pourquoi on l'a pas faite, c'est parce qu'on voulait pas sortir de chez nous. On voulait pas sortir. Puis après ça, ben, je retournais travailler. Puis là, on a fait, ah, OK, on pourrait y aller aujourd'hui, mais là, je m'en vais demain, ça vaut la peine. Bon, là, on fera ça une autre fois. Fait qu'on achètera l'expansion une autre fois. C'est que vous êtes plus sûr de jouer autant, là. Bon, je suis pas mal sûr qu'on va jouer encore. Ça va réarriver, mais pas à la même fréquence. Je pense que les jeux de table, comparativement aux jeux vidéo, hein, en tout cas, dans mon cas, on fait moins de games d'un jeu de table. On préfère changer de jeu de table souvent, tandis que les jeux vidéo, on a tendance à comme rejouer le même jeu plusieurs fois pour devenir bon. Puis après ça, on y revient, puis on le rejoue. Je sais pas si c'est parce que traditionnellement, c'était comme plus cher. Sauf que honnêtement, aujourd'hui, un jeu de table puis un jeu vidéo, c'est compétitif. C'est pas mal le même prix. Ouais, c'est vrai. Ben, jeu de table, l'avantage, c'est que le prix se sépare à gang. Ou plutôt, c'est genre, OK, toi, t'as un jeu, moi, j'ai un jeu. Fait que là, on a ensemble, on joue, puis ben, on a deux jeux. Il n'y a pas de console à avoir. C'est ça. J'ai pas besoin d'avoir... On n'a pas besoin chacun d'une copie du jeu, mettons. Ouais. Fait que t'as cet avantage-là. Puis, il me semble que je voulais dire une autre chose, mais là, j'oublie. Ben, je pense que les jeux vidéo, c'est qu'ils ont rajouté le concept de progression. Puis, tu sais, il y a une histoire. Puis, tu sais, fait que comme tu vas jouer plus longtemps. Je pensais aux jeux multiplayer, là, comme Mario Kart ou peu importe, là, mais... J'ai l'impression que si je prends un jeu de table où il y a de la stratégie puis où je pourrais vouloir devenir meilleur, je risque de quand même pas me rendre jusque-là, tandis qu'un jeu vidéo, j'ai une meilleure chance de le faire. C'est sûr qu'il y a beaucoup de jeux de table qui n'ont pas de mode campagne que je peux me pratiquer quand mes amis sont pas là. Ben, il y en a. Oui, il y en a, mais... Wingspan a toute une pochette dans boîte. Pour les affaires pour jouer en single player. Je l'ai jamais ouverte, mais elle est là dans la boîte. T'as des. Ah, tu devrais t'entraîner. Ouais, bon, c'est pas nécessaire. Pour moi, le fun, c'est de jouer avec d'autres gens, là. C'est de jouer avec ma mère, c'est de jouer avec mon frère. Non, le fun, c'est de gagner tellement fort que plus personne veut jouer avec toi. Oui. Ça, c'est l'objectif ultime. Oui. Non. Non, on a enlevé... Il y a deux corneilles qu'on appelle les corneilles OP. Puis ceux-là, on les enlève, on les laisse dans la boîte. Parce que c'est des corneilles, c'est juste comme... Comme... Ils coûtent presque rien à mettre sur sa table. Ils ont un pouvoir vraiment fort que tu peux activer à tous les tours. Puis que pendant que tu actives ça, ça te donne un autre avantage... Ça te fait pondre des œufs et ramasser des ressources. Et c'est juste fucking bon. Puis en plus, ça donne beaucoup de points à la fin de la game. C'est comme... C'est juste deux corneilles mal balancées. Fait que ça, on les enlève. T'sais, au final, sur... Il y a combien de cartes dans le jeu? Il y en a vraiment beaucoup. T'sais, c'est quand même bien qu'il y a juste eu deux cartes mal balancées sur tout ça. Il y a ça de cool dans les jeux de table. Si tu veux enlever les corneilles, tu peux, mais certains jeux, il n'y a juste pas l'option d'enlever whatever. Mettons qu'on joue à Smash, on va enlever les items ou on va mettre ceux qu'on aime puis on va enlever les autres. Smash. Mais tu fais un tournoi, sont pas permis. Puis, je sais pas, tu joues à un autre jeu, tu vas pas juste comme bannir un bonhomme nécessairement, ou tu vas jouer tout seul, le bonhomme est pas interdit dans le jeu. Fait. Mais toi, tu joues avec ton jeu, tu peux enlever puis ajouter des morceaux si tu veux. Ben, les joueurs en tournoi, ils enlèvent Mewtwo puis des shit comme ça, là, dans de Pokémon. Ouais, ben là. Ça, c'est des jeux ultra complexes comme Magic, ou est-ce que là, oui, il peut avoir des banlists, là, peut-être. Smash Bros, full d'items, mais c'est juste des épées laser. Le problème des items, c'est qu'ils peuvent apparaître n'importe où. Fait que tu peux commencer, puis ah, est apparu de ton bord. Cet avantage-là, il est comme. Oui, mais c'est pour ça que tu mets full d'items. Tu mets spawn d'items maximum. Il pleut des épées laser. J'imagine qu'il y aurait de quoi à dire sur le fait que certains bonhommes ne sont pas balancés pour avoir cette portée-là gratuitement. Ils sont Ah. juste trop bons, tandis qu'il y en a d'autres qui n'ont aucun avantage à avoir ça. Intéressante observation. Tu prends, par exemple, Pichu, qui est relativement difficile à toucher, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de portée. Fait que toi, tu as un bonhomme avec plus de portée pour te défendre contre lui. S'il est capable de te rejoindre sans que son risque augmente, ça va être difficile. Fait que là, il faudrait qu'il y ait plus d'items. S'il faudrait qu'il y ait plus d'items, pourquoi faudrait pas qu'il y ait beaucoup plus d'items? Puis pourquoi faudrait pas qu'il y ait tous les items? La seule affaire que je vois, c'est que peut-être comme tu pourrais dire, comme pour les niveaux, là, quand le match va commencer, le tableau il est choisi, je pense, par le perdant, mais le gagnant, il a le droit d'en bannir un ou quelque chose de même. Fait que t'as comme la liste de tableaux que tu peux aller dessus, il y a comme un certain nombre de choix, puis il y a quelqu'un qui dit « On va pas sur celui-là, mon bonhomme, il est pas bon sur lui, mettons. » Fait qu'il faudrait faire ça avec la liste d'items. Comme, t'es Pichu, t'as pas le droit d'avoir l'épée, mettons. Wow. Puis là, après ça, j'ai gagné, mais là, mettons, le pool, il revient, là, t'as le droit de la prendre, puis tu me bannis d'autres choses, ou je sais pas quoi. Ça peut aller. J'aime que t'as pris mon idée conne, puis que là, t'as émis ça de manière sérieuse, puis t'as tout élaboré l'éventail des possibilités de comment qu'on devrait régler le problème de mon idée conne. Il C'est faut pas qu'il y correct. ait trop de hasard. Peut-être qu'à la limite, tout le monde devrait commencer avec l'item dans ses mains ou quelque chose. Tu me permets-tu de changer de sujet? Vas-y. J'ai une bonne nouvelle pour toi, Blob. Est-ce que, en fait, je pense me rappeler que t'aimais ça, mais je suis pas sûr. Te souviens-tu du podcast A Life Well Wasted? T'écoutais-tu ça? Non, je pense pas. Ah, Ça me je dit rien. pensais que c'était toi qui écoutais ça. C'est bizarre parce que je connais le nom de cette émission-là, puis j'y ai pensé quand j'ai écrit le blurb pour mettre notre podcast sur les réseaux sociaux, là. Je voulais écrire quelque chose du genre, on a comme gaspillé notre temps des fêtes de façon productive. Lol. Mais j'avais vraiment pas envie de dire gaspiller parce que je trouvais que j'avais eu du fun quand même. J'ai zéro gaspillé mes vacances. Ben, c'est ça, moi non plus. Fait que je trouvais que c'était pas approprié, mais j'ai pensé au podcast A Life Well Wasted. Donc, tu le connais. Ben, je l'ai jamais écouté. Tu l'as jamais écouté. Oh, shit, j'étais sûr que c'était toi. OK. Ben non. Bon, ben, pour la petite histoire, A Life Well Wasted, c'était un podcast de... C'est quoi son nom? Il va falloir que je clique le lien que je m'étais mis. Ah, oh, merde. C'est un gars, il joue dans un band qui s'appelle They Came From Shanghai. C'est Robert Ashley. Ils viennent pas de là, je suis sûr. Non, il vient pas de Shanghai. Robert Ashley est connu pour deux choses. Pour avoir fait le podcast A Life Well Wasted. Et pour avoir fait une voix dans Sword and Sorcery EP Ouais. Ouais, le jeu avec les bonhommes longs puis de les gros corps. Super Brothers. Ouais. Je sais pas s'il est connu pour ça, mais moi, quand je joue à Sword and Sorcery, puis que là, je parle au bonhomme, je suis comme, ah, ça, c'est Robert Ashley. Comme on reconnaît sa voix. C'est ça, Robert Ashley, il a parti un podcast en 2008 qui s'appelait A Life Well Wasted. Il a produit environ 10 épisodes. C'est À bien. chaque fois, il y avait de plus en plus de temps entre les épisodes. Puis là, à un moment donné, il y a eu une pause de 1 an ou 2. Puis là, il a fait un autre épisode. Et là... Randomly, sur mon feed de podcast, parce que j'étais encore abonné, j'avais jamais enlevé l'abonnement, je vois un nouvel épisode de A Life Well Wasted, quasiment 10 ans plus tard. Puis ça commence. Il y a du monde qui font ça. Puis ça commence comme si de rien n'était. Direct dans un sujet, il parle d'un sujet, puis là, à un moment donné, vers le milieu, il parle un peu pour, tu sais, pour dire des affaires. Puis là, il dit, « Ouais, j'avais prévu faire cet épisode, il était quasiment tout fini, et il a traîné sur mon disque dur pendant 8 ans. Et là, aujourd'hui, je le sors. » Et j'avais l'intention d'en faire d'autres. Et j'ai toujours l'intention d'en faire d'autres. Et je vais en faire d'autres. Mais on sait pas quand. Et c'est correct de même. Fait que... C'est ça. C'est un podcast de jeux vidéo, mais c'est un podcast qui parle des gens qui jouent aux jeux vidéo. Pas des jeux vidéo. Ben, ouais. Tu peux interviewer des gens ou... C'est beaucoup des gens qui connaissent. Ouais, c'est beaucoup des entrevues. Ça feel un peu comme This American Life ou ben comme Radio Lab ou on pourrait dire un peu comme Epistemia pour te nommer quelque chose que toi tu connais. Ça je le connais. Ouais, bon, c'est ça. Dans le sens que c'est des entrevues, tu sais c'est toutes des entrevues. Où est-ce que il parle avec quelqu'un d'un sujet, puis là, il fait un montage avec ça, puis c'est beaucoup de montage. C'est comme, c'est quasiment des entrevues, ça devient quasiment, ça fait partie de la musique. Puis la musique est composée pour embarquer dans, puis il va jouer avec des effets pour comme appuyer sur certains points. Fait que c'est comme, c'est une entrevue, mais ça devient une œuvre de création. Puis c'est très bon. Puis comme là, je pense que c'était cet été que je les ai toutes réécoutées. Puis j'étais comme, ok, c'est quand même des vieux épisodes qui parlent de vieilles affaires de là, 10 ans, 12 ans, 13 ans. Mais c'est encore bon. Ça tient la route. Puis parce qu'il parle pas de certains jeux en particulier, il va parler beaucoup de des gens qui jouent. Ben... C'est un peu intemporel, mettons. Comme ouais, c'est le, ça. Le premier épisode, c'est à propos de la fin du magazine EGM, Electronic Game Monthly, je pense. Ouais. Fait que c'est la fin des médias papier, des magazines papier de jeux vidéo, puis comment que ça a transitionné, puis c'est comme, c'est le fun d'écouter ça, parce que 10 ans plus tard, là, on arrive à la fin des sites de nouvelles, comme... Les sites de nouvelles de jeux vidéo, ils ont de la misère en ce moment à compétitionner contre Facebook qui mange tous leurs revenus publicitaires et Google. Ouais. Ça va, c'est difficile. Je me souviens d'un autre sujet, il fait une entrevue avec une femme qui est juste bonne pour faire de l'électronique, démonter des affaires, puis faire des trucs custom, puis... Il y a une entrevue à propos d'un chercheur dans une université qui essaye de construire une archive des jeux vidéo. Puis, il expliquait comment que c'était compliqué de faire de l'archivage de jeux vidéo. Puis là, ça parle de la fin d'un MMO. Puis là, il fait des entrevues avec des gens. Puis il y a des enregistrements audio de ce qui s'est passé dans les dernières heures du MMO en question. Puis... Comme... Ouais, ça me fascine un peu ces histoires-là de fin de serveur de jeu. Ah, je sais pas ben, pourquoi. Tu vas aimer ça. J'avais aimé comme les rumeurs et les histoires autour de quand ils ont fermé le serveur de Halo 2. Puis il restait, genre, tu pouvais plus te joindre, mais il y en a qui étaient restés dans le lobby parce que c'était pas encore déplugué. Fait que, comme ils niaisaient là, puis ils pouvaient pas rien faire, mais tant qu'ils restaient là, comme le jeu était encore up. Je me souviens un peu de ça, ouais. Ou bien l'histoire d'un serveur de je sais plus quoi, peut-être Ultima, genre. Ils ont fait un serveur de roleplay, Puis il est arrivé des événements à un moment donné, puis tout le monde. Le serveur, dans le fond, il était resté à un certain stade de l'histoire. Fait qu'il passait pas un certain chapitre. Puis à un moment donné, tout le monde s'est mis ensemble, puis on dit OK, on va le faire, mais il y avait un boss imbattable. Comme il est programmé pour que tu meurs, puis après ça, il y a un bout de cinématique. Mais ils ont levelé pour le battre. Puis malheureusement, au moment où il était pour le battre, quelque chose a débranché, puis on pense que c'est le développeur qui a comme enlevé le serveur pour pas que ça plante ou quelque chose. Possiblement, ça aurait crashé parce qu'il y avait rien. Si tu le bats, mais tout le monde a déconnecté. Puis comme c'est juste que ceux qui ont enquêté, entre guillemets, ils disent que ça s'est passé d'une façon qu'ils n'ont pas pu savoir, puis de pas savoir si on gagnait, s'ils auraient pu gagner, c'est ça le plus triste. Je me rappelle plus ce qui est arrivé après sur ce serveur-là, s'il a juste carrément été fermé ou quoi, là, mais c'était toute une épopée à lire. Je sais même plus où j'ai lu cet article-là qui racontait l'histoire. Mais je trouve que c'est des affaires fascinantes, des fins de MMO, puis juste la fin de Dragalia l'autre jour avec Anne-Marie, je sais pas, ça me rend nostalgique pour quelque chose que j'ai même pas connu. Ah ouais, moi aussi, là, j'écoutais ça. C'est touchant, là, comme moment. Fait que. Ouais, t'écouteras ça. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a juste comme une dizaine, douzaine d'épisodes. Et Maintenant, c'est il y pas en a pire, on est un quand de même plus. meilleur. Oui, nous, on a fait beaucoup plus d'épisodes, mais on n'a vraiment pas la qualité, par exemple. Lui, il a moins OK. d'épisodes, mais très haute qualité. Nous, beaucoup d'épisodes, pas beaucoup de qualité. Je pense On qu'on a essaie de d'autres rester qualités. intéressé, là. On a d'autres qualités, mais pas faire du bon montage musical. Ouais, j'avoue. Je pourrais faire le DJ des fois. Peut-être que je devrais pousser dans cette direction-là. Oui. Ça serait bon. Je connais tellement de musique de jeu que je pourrais faire des playlists puis comme queuer des affaires selon le sujet. T'avais-tu Ça d'autres serait à jeux? y penser. Oh, ben j'en ai plein, mais j'ai pas grand-chose à dire dessus. J'ai vécu un beau moment parce que ma blonde, elle voulait qu'on fasse un jeu ensemble, puis on parlait genre de Donkey Kong Country, puis je suis comme, OK, ben, mais lequel tu voudrais faire? Puis elle est comme, pas le 2, j'imagine. Mais ça adonne que c'est comme un de mes jeux préférés de toujours. Puis je l'ai fait à deux avec elle, que je pense pas qu'on avait déjà joué ensemble à ça, puis on l'a passé du début à la fin. Hein. Pas en une seule fois, peut-être deux, trois. Mais on l'a toute faite, puis on faisait le mode où est-ce que tu joues Diddy, puis quand il meurt, c'est l'autre joueur qui prend Dixie, mais live dans le même niveau, là. C'est sûr, c'est pas comme depuis la Wii où est-ce que tout le monde joue en même temps. Là, c'était chacun votre tour. Mais Ah, ouais, il n'y avait pas un on l'a fait mode. en équipe. Il n'y avait pas moyen de jouer à deux en même temps. Il y avait deux modes pour jouer à deux. Le premier, c'est que tu contrôles un bonhomme, puis l'autre te suit, puis quand tu meurs ou quand tu switches, c'est l'autre qui contrôle. OK. Tu contrôles ton bonhomme quand il est en avant, puis sinon, tu es un accessoire. Puis l'autre, c'est que tu fais ton tableau, puis après ça, c'est à l'autre équipe. Puis là, eux autres aussi, ils font leur tableau, puis après ça, c'est à l'autre équipe. Puis là, dans celui-là, tu jouais les mauves, je pense. Dans le premier, c'est que tu jouais les jaunes. T'avais Donkey Kong avec une cravate jaune. Ouf. Ouf. Je savais pas. Ouais. Mais dans le Puis, 3, il me tu fais le semble. jeu comme en même temps, mais t'as chacun ta map. Genre, Ouais, ok, je comprends. c'est vraiment déconnecté. C'est étrange. C'est comme un mode versus, là, je sais Ouais, pas. c'est ça. Il y avait pas un. C'est peut-être dans le 3 d'abord qu'on pouvait jouer à deux, les deux en même temps? Où je me mélange avec Sonic, que le deuxième, un joueur pouvait contrôler Tails. Ouais. Je pense que c'est juste dans Sonic. Ah, peut-être. C'était mal implémenté en plus, là. Il te donnait le contrôle, mais comme il n'y avait pas de partage de la caméra, puis Tails il était tout le temps perdu à l'autre bout, là. Ben, au moins, il réapparaissait proche. Ouais, puis il était bon pour battre les boss, justement, parce qu'il pouvait revenir tout le temps, là. Oui. Ben, c'était parfait pour comme un deuxième joueur qui est comme ben, tu peux mourir autant que tu veux, c'est pas grave, tu vas toujours reparaître. Ouais. Mais c'est juste que le deuxième joueur, des fois, il fait comme vraiment rien, puis il a pas l'occasion d'avoir vraiment le contrôle. Oui, bon, effectivement. Fait que oui, dans Donkey Kong, il y a des temps d'attente, mais on s'échangeait quand même la place. Ils ont designé aussi que quand tu finis un tableau, ça switch automatiquement à l'autre joueur. Ben ça, Fait que c'était comme ça, l'autre va genre, commencer le prochain. il semble, genre, Super Mario 1 sur le Nintendo, c'était ça aussi, là, quand tu jouais à deux joueurs. Il y avait Ouais, un... je me rappelle pas si tu continuais dans le même tableau ou pas. C'est chaque joueur devait faire les tableaux séparément, je pense. Ouais, mais je pense que ça changeait à l'autre joueur juste quand tu mourais. Ouais, c'est ou quand tu finissais le tableau. Je pense que non, justement. Fait que si tu jouais avec quelqu'un qui était bon, il allait se rendre à la fin avant que tu joues, là. Quelle marde. Fait que c'est ça, des belles compétitions fair pis tout. J'aime le fait que c'était un jeu que tu sais, c'était il donnait deux manettes, fait que là il y avait fallait deux manettes pour jouer. Mais t'aurais pu juste passer à la manette. Ça aurait Le fait. pire, oui, ouais, il y a ça là. Le pire, c'est que ils ont programmé qu'il y a juste la manette 1 qui pouvait faire pause. Ah ouais. Pouvait faire pause pendant la game de l'autre. Ah, je pensais que c'était les deux qui pouvaient faire pause durant la game de l'autre. Non. C'est Oh. juste la manette 1, il me semble, qui Oh, fait c'est pause. encore pire. Mais quand tu fais pause, le jeu, il oublie ton momentum. Fait que Oui. si tu fais pause au-dessus du trou, tu tues Luigi. Fait que là, c'est à ton tour. C'est tellement épais. Oh my God. J'ai l'impression. Puis comme, ils ont fait un plan pour que les frères et sœurs se battent. Ça, ou ben, ils ont fait le jeu. Puis là, ils sont arrivés pour le mettre dans la boîte, puis le shipper. Puis là, ils ont fait, hey, attends une minute. On ship avec deux manettes cette maudite console-là. Fuck! Ça nous prend un mode qu'on peut faire de quoi avec la deuxième manette. Ok, on va patcher Mario Bros. Un gars. Et hop, voilà, tu peux jouer à deux. Yay! Ship it! Une demi-heure avant de mettre ça dans la boîte. Puis... Qu'ils ont dû réécrire la toune pour Zelda 1 45 minutes avant de faire graver les chips de cassette. Non. Ouais, parce que il avait mis le boléro de Ravel comme intro quand tu rouvres le jeu. Puis ils ont appris que le dude, ça faisait pas assez longtemps qu'il était mort, fait qu'il aurait fallu qu'il paye des royalties. Là, ils ont dû dire à Koji Kondo de faire une toune. Fait qu'il a juste fait un genre de remix de la map, mais plus tranquille, plus relax, qui est vraiment beau d'ailleurs. Il a fallu qu'il te whip ça en 45 minutes. Parce qu'il fallait qu'il envoie genre les cassettes à graver, là. C'est Wow. comme des gaufrettes de silicium, là, qui font imprimer, là. Toi, tu sais quoi, là? Je dis ça pour les auditeurs, là. Peut-être qu'ils savent pas trop, là. Ouais, Fallait mais... qu'ils fassent imprimer les circuits qui vont dans les boîtiers de plastique de cassette. Puis dans le dernier 45 minutes, ils ont comme fait le code pour cette toune-là. Ils ont mis le code ensemble. Puis ils ont envoyé ça pour faire la chip qui va dans la cassette qui contient le ROM, finalement. Dans le fond, c'est pas le wafer, c'est l'espèce de chip. Il y a des micro-transistors dedans qui contiennent la Même ROM. ça, je suis pas trop sûr. Moi, je pensais que c'était comme, il prenait la chip et là, il gravait, tu sais, il envoyait des circuits électriques pour comme que ça s'enregistre, puis mais c'était one time only. Ouais. Mais t'as la, comme un CD, tu sais, comme l'espèce un... de plaque verte, c'est un circuit qui règle les chips ensemble, mais le code puis les assets du jeu, ils étaient sur des espèces de puces noires avec plein de pattes. Ouais, évidemment, mais Le c'est ça, ROM, je il était dis. là-dessus. Fait que c'est le ROM qui devait graver là-dedans. Ouais, mais c'est ça, il le gravait pas avec un laser, là. Il gravait Non, peut-être pas, là. en envoyant des signaux électriques dedans, je Ouais. pense, j'espère. Tu sais, Sûrement. un peu comme, tu sais, les CD, là, quand on gravait un CD, tu pouvais juste le graver une fois, mais tu sais, bon, j'allais dire, il shoot pas un laser dedans, mais littéralement, c'est ça qu'il faisait pour les CD inscriptibles. Mais comme de la mémoire flash, comme une clé USB. Il envoie pas un laser dedans pour dessiner le il envoie du signal, puis là, ça s'enregistre dans la mémoire. À part que là, les cartes flash, tu peux les réécrire plusieurs fois. Là. C'était des EEPROM versus des PROM. C'était quoi l'affaire? En tout cas, c'est pas intéressant. J'ai entendu ces mots-là plein de fois. Oui, mais c'est ça, c'est du one-time permanent read-only memory, quelque chose de même. Ça, là. Justement, cette semaine, il y a quelqu'un sur le Reddit Programmer Humor qui demandait, genre, je pense que c'est une fille qui disait, j'ai dit à un gars que j'étais programmeur, qu'est-ce que je peux lui dire, genre, que je connais rien là-dedans pour qu'il me croie à ma menterie que j'y ai dit. Dites-moi des idées là, du genre, ah, j'ai eu une promotion, ils m'ont mis en charge des kilobytes. J'espère qu'il y a eu plein de bonnes suggestions de ce genre-là. J'ai dit pas lu parce qu'en fait, la joke, c'est qu'il y avait un gars qui disait. Il y avait un gars qui avait fait un post juste en haut qui disait, ouais, je viens de matcher avec une fille, là, puis elle est programmeur, là, donnez-moi des affaires intéressantes que je pourrais y dire. Puis direct en dessous, t'as la fille qui dit, ouais, j'ai dit à un gars que j'étais programmeur, c'est quoi les affaires que je pourrais y dire? Comme, évidemment, on dirait que c'est deux personnes qui se sont arrangées ensemble pour faire des posts de même, là. C'est quand même cocasse. C'est beau, c'est beau. Moi, j'aimerais ça être gérant des kilobytes. C'est d'autant plus drôle que des kilobytes, c'est plus une unité depuis des années parce que comme c'est trop petit. Non, non, non. De quoi On tu travaille parles? en meg. Tu es malade, toi? Comme, quand t'as des logiciels qui font 1 million de petits fichiers, tu sois très content qu'ils sont sauvegardés en kilobytes, parce que s'ils étaient sauvegardés en meg, ça Oui. prendrait toute la fucking place de ton disque dur. Oui, ok, oui. Bon. Même, faut que tout soit géré à l'octet dans l'ordi. Mais personne parle de kilobytes, là. Personne s'échange des affaires en kilobytes, à moins que c'est le but, là. C'est comme Ben. des concours de développement de jeu en je sais pas combien de cas, là. 50 kilobytes, oui, ben ça, oui, il y en a encore de ça. Ça, puis comme j'essayais d'envoyer des fichiers à ma soeur l'autre jour, on était tous les deux chez ma mère, sur le même routeur Wi-Fi, et ça downloadait à peu près 4 kilos par seconde. J'étais comme, il y a de quoi qui marche pas là, ça a pas de bon sens. Au Wi-Fi de 1994. Ah non, mais c'est parce qu'on utilisait mon vieux laptop. Tu sais, quand je parle de mon vieux laptop, je parle de mon MacBook 2009. Mais là, mon vieux, vieux laptop, ça c'était mon vieux Acer 2005, 2006, qu'on a sorti des boules à mythe, on a installé Ouais, j'en Linux avais un aussi. dessus, parce que c'est le seul ordi qu'on avait qui était capable de lire des DVD qui fonctionnaient Ouais, encore. c'est comme ça aujourd'hui. Parce que autant mon MacBook que celui de ma sœur, les deux, le lecteur CD, il marche plus. Tu mets un CD dedans, puis le CD, il ressort, puis il veut C'est pas vrai, lire. hein? C'est la première affaire qui pète en plus. Oh non, il a toffé longtemps. Je l'ai utilisé, ça fait pas si longtemps que ça, puis il Ben, marchait je veux encore. dire, à l'époque, ceux qui faisaient, ils marchaient, mais la plupart des gens que je connais qui ont eu des laptops depuis une couple d'années, 5 ans après, les. Le reste marche, mais le disque marche plus. c'est mon cas aussi. Mon laptop de 2011, le disque ne marche plus. Ah ouais, mais là, ça mais je pense que mon 2007, il marche encore. Ben c'est sûr. Fait que mon laptop 2006, on s'en est servi pour copier les DVD. Parce que ma mère, elle avait tout numérisé les films de famille qui étaient en cassette pour les mettre sur des DVD. Puis là, on s'est rendu compte que les DVD, ça n'a pas une durée de vie si haute que ça, finalement. Non, effectivement. Fait que là, on les a tous transférés dans l'ordi, puis là, va falloir les convertir. Là, j'ai juste copié le data direct parce que hey, ça a été un chiard installer Linux là-dessus. Parce que cet ordi-là, il est juste 32 bits. Il n'y a plus ben des OS et des softwares qui fonctionnent sur 32 bits seulement. Tout est rendu 64. Fait que ça a été toute une affaire. Tu vas chercher une version legacy, j'imagine. Non, j'ai quand même été capable de mettre une version récente de Linux. Mais comme le logiciel de conversion, lui, il marchait pas. Fait qu'il va falloir... J'ai juste copié le DVD dans l'ordi, puis j'envoyais ça en image à ma sœur. Puis j'ai dit, bon, va falloir que tu les décodes par toi-même avec VLC ou whatever. Handbrake. Ouais. Là, ben, tu peux tout mettre ça sur un beau SSD là, pour que ça se lise bien, là, puis là, tu le ranges. Ouais. Je sais pas. Je pense non, c'est une blague. Ceux qui ont des SSD et qui ne le savent pas, là, si le SSD n'est pas en utilisation pendant un an ou deux, des fois, ils oublient tout. Les informations dessus doivent être lues régulièrement pour rester up. Oh shit. Ouais. C'est pas le cas des disques durs traditionnels qui, eux autres, peuvent rester tels quels pendant relativement longtemps. Probablement 5-10 ans, mais t'es pas obligé de niaiser avec ça. Mais si c'est un SSD qui n'est pas branché depuis un an, tu commences à avoir un risque de perdre tout. Shit. Faut qu'il soit branché puis que tu fasses genre au moins des petites tâches minimales comme scanner le contenu. J'espère qu'il fait ça de manière régulière. Tu sais, de temps en temps, il check là. Hey, ça fait longtemps que je peux aller lire dans ce secteur. Je vais aller relire les en trucs. En principe, s'il est branché, quand il s'initialise, il est supposé, je pense. Ah, bon. J'espère. Je suis pas sûr des détails, mais j'ai appris ça l'autre jour, puis je me suis dit que ceux qui écoutent seraient peut-être contents d'apprendre ça. Heureusement, tous mes disques externes, qui sont pas branchés très souvent, sont des disques durs à moteur. Fait que ben, c'est aussi bien, je pense, là. Ça va, je suis encore correct. Un disque externe, tu veux pas nécessairement de la vitesse, tu veux juste le storage, fait que tu prends celui qui est pas cher puis qui est fiable. Puis... Non, je prends les vieux disques durs que je ramasse partout, des gens qui veulent les jeter. Puis je suis comme, c'est pas cher. C'est très pas cher. C'est comme, ah, un beau disque dur 500 gigas, yes. Puis là, je fais juste, j'ai des boîtiers que je peux swapper les disques dedans. Puis là, j'ai une amie qui va me donner un vieil ordi qui a plusieurs slots à disque dur. Fait que je vais pouvoir en brancher 4 puis me faire un beau serveur avec ça. 4 beaux disques de 500 gigas, ça va me donner 2 beaux terras. Wow. Moins si je les mets en raid. C'est pas pire. C'est pas pire quand même. C'est bien en masse. Comme mes ordis, j'ai pas tant d'affaires que ça. Puis ça... C'est quoi un raid déjà? Ça fait longtemps que j'entends ça. Je pense que c'est pour garantir la sécurité. Non, c'est que... Tu vas pas perdre parce qu'il y a de la redondance. Ça peut être plusieurs choses. C'est quand il y a plusieurs modes de raid. Raid, ça veut juste dire que tu prends deux ou plusieurs disques durs puis que tu les synergises d'une certaine manière. Tu peux utiliser du raid pour avoir plus de vitesse. Bon, de nos jours, c'est moins utile, mais dans le temps des disques à moteur, t'avais deux disques durs, puis là, il écrivait un petit peu à gauche, un petit peu à droite, un petit peu à gauche, un petit peu à droite, puis quand il lisait, il faisait la même affaire, fait que ça lisait, puis ça écrivait deux fois plus vite. Ouais. Mais s'il y en a un des deux qui pète, t'es faite. Parce que t'as perdu la moitié... T'as perdu comme toutes les bits impaires, mettons. Ouais. Fait que ça, c'est peut-être un des modes. Pas tout à fait aussi, aussi profond que ça, là. Peut-être qu'il envoyait ça par bytes, là, ou je sais ouais, pas quoi. Ouais, genre. Ou par mots. Mais ouais, c'est assez petit. Sinon, il y a des raids que c'est genre une copie miroir. Fait que tu dis, j'écris sur le disque 1, puis tout ce que je fais se copie sur le disque 2 en temps réel. Toi, tu gagnes pas de vitesse dans ce temps-là, mais t'as deux Une copies. belle Fait que redondance. s'il y en a un qui pète, ben t'es correct. Après ça, il y en a d'autres qui offrent. Si t'as trois disques, là, tu peux faire des affaires un peu plus funky. Parce qu'évidemment, tu peux combiner. Si t'as trois disques, tu peux avoir deux miroirs, puis un vitesse, ou quatre disques, puis là, tu fais des. Trois disques, puis là, s'il y en a un qui pète, les deux autres sont quand même capables de survivre, puis ils vont. Fait que tu peux juste rebrancher un troisième disque, puis là, ils vont pouvoir s'arranger. Je pense que Google, il fonctionne comme ça. Là, tu rajoutes des disques, puis c'est comme si tes informations, ils font des bébés. Ouais, c'est exactement ça. C'est comme de la levure, puis là, s'il y en a qui meurent, tu fais juste en remettre plus, puis tant que tu rajoutes des disques, tes données se multiplient. C'est exactement ça. Pareil, Débile. pareil. Le chum à ma soeur, il nous a fait des fucking bons pains puis des fucking bonnes pâtes à pizza avec de la levure au chalet. Puis il s'occupait bien de sa levure puis de ses pains. C'était grandiose. Qu'est-ce qu'il appelle du sourdough? C'est-tu comme, faut qu'il garde un bout? Oui, c'était ça. Il y avait un pot, puis il l'avait amené, puis il disait, genre, j'espère qu'elle a pas trop pris proie. Comme si c'était un bébé. Ouais, c'était ça. Je sais dans pas. Dans la vie, t'as les gens qui. Les personnes de chiens, les personnes de chats, les personnes d'oiseaux, qu'on en parle moins, sont un peu bizarres. T'as les personnes de sourdough, là, eux autres sont encore plus dans le coin. Mettre un foulard à leur sourdough. Non, il y avait aussi un chien auquel il mettait un joli petit manteau. Ah. Très mignon. Mais ça a l'air que c'est pas mal bon, puis tu nous le confirmes. Là, par exemple, c'est la fin du podcast, parce qu'il est rendu tard, puis on a jasé de tout et n'importe quoi en long et en large. Fait que, si vous avez aimé ça, puis que vous voulez avoir plus de On a juste une vie dans votre vie, vous pouvez vous abonner. On est sur PeerTube, Twitch, YouTube, Apple Podcast et autres plateformes de podcast. Je suis en train d'essayer de régler un problème. On dirait que les autres plateformes se mettent plus à jour, puis je comprends pas pourquoi. Fait que, va falloir que je règle ça. Mais tous les liens sont sur notre site web, onajustunevie.ca. Vous pouvez nous envoyer des questions et commentaires à bouffe@onajustunevie.ca. C'est par courriel, ça. On est aussi sur Discord et sur Matrix. Les liens sont sur notre site pour venir chatter avec nous autres et poursuivre la conversation. Merci à Blob d'avoir été avec moi ce soir. Et on se retrouve la semaine prochaine parce que on a juste une vie.